Chapitre 18 de la tyrannie. Comme l'usurpation est l'exercice d'un pouvoir auquel d'autres ont droit, la tyrannie est l'exercice d'un pouvoir outré auquel personne n'a droit assurément. Ou encore, la tyrannie est l'usage d'un pouvoir dont on est revêtu, mais qu'on exerce non pour le bien et l'avantage de ceux qui y sont soumis, mais pour son avantage propre et particulier. Et celui-là, quelque titre qu'on lui donne, et quelque belle raison qu'on allègue, est véritablement tyran, qui propose non les lois, mais sa volonté pour règle, et dont les ordres et les actions ne tendent pas à conserver ce qui appartient en propre à ceux qui sont sous sa domination, mais à satisfaire son ambition particulière, sa vengeance, son avarice, ou quelque autre passion déréglée. Si quelqu'un croit pouvoir douter de la vérité et de la certitude de ce que j'avance, parce que celui qui le propose est un sujet, et un sujet inconnu, et sur l'autorité duquel on ne voudrait pas s'appuyer, j'espère que l'autorité d'un célèbre roi l'engagera à en tomber d'accord. C'est du roi Jacques dont j'entends parler. Voici de quelle manière il s'expliqua dans le discours qu'il fit au Parlement en 1603. « Je préférerais toujours, en faisant de bonnes lois et des constitutions utiles, le bien public et l'avantage de tout l'État à mes avantages propres et à mes intérêts particuliers. Persuadé que je suis que l'avantage et le bien de l'État est mon plus grand avantage et ma félicité temporelle, et que c'est en ce point qu'un roi légitime diffère entièrement d'un tyran. En effet, il est certain que le principal et le plus grand point de différence qu'il y a entre un roi juste et un tyran et un usurpateur consiste en ce qu'au lieu qu'un tyran, superbe et ambitieux, s'imagine que son royaume et son peuple sont uniquement faits pour satisfaire ses désirs et ses appétits déréglés, un roi juste et équitable se regarde au contraire comme établi pour faire en sorte que son peuple jouisse tranquillement de ses biens et de ce qui lui appartient en propre. » Fin de citation. Et encore, dans le discours que ce sage prince fit au Parlement de 1609, il s'exprima de cette sorte. Citation. « Le roi s'oblige lui-même, par un double serment, à observer les lois fondamentales de son royaume. L'un est un serment tacite, qu'il fait en qualité de roi et par la nature de sa dignité qui l'engage, et bien étroitement, à protéger et son peuple et les lois du royaume. L'autre est un serment exprès qu'il prête le jour de son couronnement. De sorte que tout roi juste, dans un royaume fondé, est obligé d'observer le pacte qu'il a fait avec son peuple, de conformer son gouvernement aux lois et d'agir suivant ce pacte que Dieu fit avec Noé après le déluge. Désormais, le temps de semer et le temps de moissonner, le froid et le chaud, l'été et l'hiver, le jour et la nuit, ne cesseront point pendant que la terre demeurera. Un roi, donc, qui tient les rênes du gouvernement dans un royaume formé, cesse d'être roi et devient tyran, dès qu'il cesse, dans son gouvernement, d'agir conformément aux lois. » Fin de citation. Et un peu après, il dit, citation, « Ainsi, tous les rois qui ne sont pas tyrans ou parjures seront bien aises de se contenir dans les limites de leurs lois. Et ceux qui leur persuadent le contraire sont des vipères et une peste fatale tant au regard des rois eux-mêmes qu'au regard de l'État. » Fin de citation. Voilà la différence qu'un savant roi qui avait l'esprit droit et de vraies notions des choses met entre un roi et un tyran, laquelle consiste en ce que l'un fait des lois et met des bornes à son pouvoir et considère le bien public comme la fin de son gouvernement, l'autre, au contraire, suit entièrement sa volonté particulière et ses passions déréglées. C'est une erreur que de croire que ce désordre et ces défauts, qui viennent d'être marqués, ne se rencontre que dans les monarchies. Les autres formes de gouvernement n'y sont pas moins sujettes. Car enfin, partout où les personnes qui sont élevées à la suprême puissance pour la conduite d'un peuple et pour la conservation de ce qui lui appartient en propre emploient leur pouvoir pour d'autres fins, appauvrissent, foulent, assujettissent à des commandements arbitraires et irréguliers des gens qu'ils sont obligés de traiter d'une toute autre manière, là, certainement, il y a tyrannie. Soit qu'un seul homme soit revêtu du pouvoir et agisse de la sorte, soit qu'il y en ait plusieurs. Ainsi, l'histoire nous parle de 30 tyrans d'Athènes, aussi bien que d'un seul à Syracuse. Et chacun sait que la domination des décemvirs de Rome ne valait pas mieux et était une véritable tyrannie. Partout où les lois cessent ou sont violées au préjudice d'autrui, la tyrannie commence et a lieu. Quiconque, revêtu d'autorité, excède le pouvoir qui lui a été donné par les lois et emploie la force qui est en sa disposition à faire à l'égard de ses sujets des choses que les lois ne permettent point, est sans doute un véritable tyran. Et comme il agit alors sans autorité, on peut s'opposer à lui tout de même qu'à tout autre qui envahirait de force le droit d'autrui. Il n'y a personne qui ne reconnaisse qu'il est permis de s'opposer de la même manière à des magistrats subordonnés. Si un homme qui a eu commission de se saisir de ma personne dans les rues entre de force dans ma maison et enfonce ma porte, j'ai droit de m'opposer à lui comme à un voleur, quoique je reconnaisse qu'il a pouvoir et reçu ordre de m'arrêter dehors. Or, je voudrais qu'on m'apprît pourquoi on ne peut pas en user de même à l'égard des magistrats supérieurs et souverains, aussi bien qu'à l'égard de ceux qui leur sont inférieurs. Est-il raisonnable que l'aîné d'une famille, parce qu'il a la plus grande partie des biens de son père, ait droit par là de ravir à ses frères leur portion, ou qu'un homme riche qui possède tout un pays ait droit de se saisir lorsqu'il lui plaira de la chaumière et du jardin de son pauvre prochain? Bien loin qu'un pouvoir ait des richesses immenses et infiniment plus considérables que le pouvoir et les richesses de la plus grande partie des enfants d'Adam puissent servir d'excuses, et surtout de fondements légitimes pour justifier les rapines et l'oppression, qui consistent à préjudicier à autrui sans autorité, au contraire, ils ne font qu'aggraver la cruauté et l'injustice. Car enfin, agir sans autorité, au-delà des bornes marquées, n'est pas un droit d'un grand plutôt que d'un petit officier, et ne paraît pas plus excusable dans un roi que dans un commissaire de quartier ou dans un sergent. Cela est même moins pardonnable dans ceux qui ont été revêtus d'un grand pouvoir, parce qu'on a pris en eux plus de confiance, qu'on a supposé que l'avantage de leur éducation, les soins de leur gouverneur, la lumière et l'habileté de leurs conseillers leur donneraient plus d'intelligence et de capacité, et qu'ayant reçu une beaucoup plus grande part que n'ont fait le reste de leurs frères, ils seraient plus en état de faire du bien. Quoi, dira-t-on ? On peut donc s'opposer aux commandements et aux ordres d'un prince ? On peut lui résister toutes les fois qu'on se croira maltraité et qu'on s'imaginera qu'il n'a pas droit de faire ce qu'il fait ? S'il était permis d'en user de la sorte, toutes les sociétés seraient bientôt renversées et détruites, et au lieu de voir quelques gouvernements et quelques ordres, on ne verrait qu'anarchie et que confusion. Je réponds qu'on ne doit opposer la force qu'à la force injuste et illégitime, et à la violence. Que quiconque résiste dans un autre cas s'attire une juste condamnation, tant de la part de Dieu que de la part des hommes. Et qu'il ne s'ensuit point que toutes les fois qu'on s'opposera aux entreprises d'un souverain, il en doive résulter des malheurs et de la confusion. Car premièrement, comme dans quelques pays, la personne du prince est sacrée par les lois, il n'y a jamais à craindre pour elle aucune plainte, ni aucune violence, quelque chose qu'il commande ou qu'il fasse. Et elle n'est sujette à nulle censure, ni à nulle condamnation. On peut seulement former des oppositions contre des actes illégitimes et illicites de quelque officier inférieur ou de quelque autre qui aura été commis par le prince. On peut, dis-je, en user de la sorte et le prince ne doit pas trouver mauvais qu'on le fasse, à moins qu'il n'ait dessein, en se mettant actuellement en état de guerre avec son peuple, de dissoudre le gouvernement et ne l'oblige d'avoir recours à cette défense qui appartient à tous ceux qui sont dans l'état de nature. Or, qui est capable de dire ce qui peut en arriver? Un royaume voisin a fourni au monde, il y a longtemps, un exemple fameux sur ce sujet. Dans tous les autres cas, la personne sacrée du prince est à l'abri de toutes sortes d'inconvénients, et tandis que le gouvernement subsiste, il n'a à craindre aucune violence, aucun mal. Et certes, il ne peut y avoir une constitution et une pratique plus sages, car le mal que peut faire un prince par sa seule personne et par sa force particulière ne saurait vraisemblablement arriver souvent ni s'étendre fort loin et renverser les lois ou opprimer le corps du peuple, à moins qu'un prince ne fût extrêmement faible ou extrêmement méchant. Et pour ce qui regarde quelques malheurs particuliers qui peuvent arriver, lorsqu'un prince têtu et fâcheux est monté sur le trône, ils sont fort réparés et compensés par la paix publique et la sûreté du gouvernement quand la personne du magistrat est à couvert de tout danger, étant beaucoup plus avantageuse et plus salutaire à tout le corps que quelques particuliers soient quelquefois en danger de souffrir que si le chef de la République était exposé facilement et sur le moindre sujet. En second lieu, le privilège dont nous parlons ne regarde que la personne du roi, et il n'empêche point qu'on ne puisse se plaindre de ceux qui usent d'une force injuste, s'opposer à eux et leur résister, quoi qu'ils disent d'avoir reçu de lui leur commission. En effet, si quelqu'un a reçu ordre du roi d'arrêter un homme, il ne s'ensuit point qu'il ait droit d'enfoncer la porte de sa maison pour se saisir de lui, ni d'exécuter sa commission dans de certains jours, ni dans de certains lieux, bien que cette exception-là ne soit pas mentionnée dans la commission. Il suffit que les lois la fassent pour qu'on soit obligé de s'y conformer exactement. Et rien ne peut excuser ceux qui vont au-delà des bornes qu'elles ont marquées. En effet, le roi, tenant des lois, toute son autorité, ne peut autoriser aucun acte qui soit contraire à ses lois, ni justifier par sa commission ceux qui les violent. La commission ou l'ordre d'un magistrat qui entreprend au-delà du pouvoir qui lui a été commis n'est pas plus considérable que celle d'un particulier. La seule différence qui se trouve entre l'une et l'autre consiste en ce que le magistrat a quelque autorité, a une certaine étendue pour certaines fins et qu'un particulier n'en a point du tout. Après tout, ce n'est point la commission mais l'autorité qui donne droit d'agir. Et il ne saurait y avoir d'autorité contre les lois. Du reste, nonobstant cette résistance qu'on peut faire dans le cas proposé, la personne et l'autorité du roi sont toujours toutes deux en sûreté et à couvert. Par ce moyen, ni celui qui gouverne, ni le gouvernement ne sont exposés à quelque danger. En troisième lieu, supposons un gouvernement où la personne du principal magistrat ne soit pas sacré de la manière que nous venons de dire. Il ne s'ensuit pas que, quoi qu'on puisse légitimement résister à l'exercice illégitime du pouvoir de ce magistrat, on doive sur le moindre sujet mettre sa personne en danger et brouiller le gouvernement, car lorsque la partie offensée peut en appelant aux lois être rétablie et faire réparer le dommage qu'elle a reçu, il n'y a rien alors qui puisse servir de prétexte à la force, laquelle on a droit d'employer que quand on est empêché d'appeler aux lois. Et rien ne doit être regardé comme une violence et une hostilité que ce qui ne permet pas un tel appel. C'est cela précisément qui met dans l'état de guerre celui qui empêche d'appeler aux lois. Et c'est ce qui rend aussi justes et légitimes les actions de ceux qui lui résistent. Un homme, l'épée à la main, me demande la bourse sur un grand chemin dans le temps que je n'ai peut-être pas un sol dans ma bourse. Je puis sans doute légitimement tuer un tel homme. Je remets, entre les mains d'un autre homme, 100 livres afin qu'il me les garde tandis que je mets pied à terre. Quand ensuite je les lui redemande et qu'il refuse de me les rendre et met l'épée à la main pour défendre par la force ce dont il est en possession et que je tâche de recouvrer, le préjudice que ce dernier me cause est 100 fois ou peut-être 1000 fois plus grand que celui qui a eu dessein de me causer le premier, c'est-à-dire ce voleur que j'ai tué, avant qu'il m'eût fait aucun mal réel. Cependant, je puis avec justice tuer l'un, et je ne saurais légitimement blesser l'autre. La raison de cela est palpable, c'est que l'un, usant d'une violence qui menace ma vie, je ne puis avoir le temps d'appeler aux lois pour la mettre en sûreté, et quand la vie m'aura été ôtée, il serait trop tard pour recourir aux lois, lesquelles ne sauraient me rendre ce que j'aurais perdu, et ranimer mon cadavre. Ce serait une perte irréparable, que les lois de la nature m'ont donné le droit de prévenir, en détruisant celui qui s'est mis avec moi dans un état de guerre, et qui me menace de destruction. Mais dans l'autre cas, ma vie n'étant pas en danger, je puis appeler aux lois et recevoir satisfaction au sujet de mes 100 livres. En quatrième lieu, si un magistrat appuyait de son pouvoir des actes illicites, et qu'il se servit de son autorité pour rendre inutile le remède permis et ordonné par les lois, il ne faudrait pourtant point user du droit qu'on a de résister. Il ne faudrait point, dis-je, à l'égard même d'actes manifestes de tyrannie, user d'abord de ce droit et troubler le gouvernement pour des sujets de peu d'importance, car si ce dont il est question ne regarde que quelques particuliers, bien qu'ils aient droit de se défendre et de tâcher de recouvrer par force ce qui, par une force injuste, leur a été ravi, néanmoins, le droit qu'ils ont de pratiquer cela ne doit pas facilement les engager dans une contestation dans laquelle ils ne pourraient que périr. Étant aussi impossible à une personne ou à peu de personnes de troubler et renverser le gouvernement lorsque le corps du peuple ne s'y croit pas intéressé, qu'il l'est à un fou et à un homme furieux, ou à un homme opiniâtre et mécontent de renverser un état bien affermi, le peuple est aussi peu disposé à les suivre les uns que les autres. Mais si le procédé injuste du prince ou du magistrat s'est étendu jusqu'au plus grand nombre des membres de la société et a attaqué le corps du peuple, ou si l'injustice et l'oppression ne sont tombées que sur peu de personnes, mais à l'égard de certaines choses qui sont de la dernière conséquence, en sorte que tous soient persuadés en leur conscience que leurs lois, leurs biens, leurs libertés et leurs vies sont en danger, et peut-être même leur religion, je n'oserais dire que ces sortes de gens ne doivent pas résister à une force si illicite dont on use contre eux. C'est un inconvénient, je l'avoue, qui regarde tous les gouvernements dans lesquels les conducteurs sont devenus généralement suspects à leur peuple. Et il ne saurait y avoir d'état plus dangereux pour ceux qui tiennent les rênes du gouvernement, mais où ils soient moins à plaindre, parce qu'il leur était facile d'éviter un tel état. Car il était impossible qu'un prince ou un magistrat, s'il n'a en vue que le bien de son peuple et la conservation de ses sujets et de leurs lois, ne le fasse connaître et sentir. Tout de même, qu'il est impossible qu'un père de famille ne fasse remarquer à ses enfants par sa conduite qu'il les aime et prend soin d'eux. Si tout le monde observe que les prétextes qu'on allègue pour justifier une conduite sont entièrement opposés aux actions et aux démarches de ceux qui les allèguent, qu'on emploie tout ce que l'adresse, l'artifice et la subtilité ont de plus fort pour éluder les lois, qu'on se sert du crédit et de l'avantage de la prérogative d'une manière contraire à la fin pour laquelle elle a été accordée, qu'on choisit les ministres et des magistrats subordonnés, qui sont propres à conduire les choses à un point funeste et infiniment nuisible à la nation, et qu'ils sont en faveur plus ou moins à proportion des soins qu'ils prennent et du zèle qu'ils témoignent à l'égard de cette fin que le prince se propose, que déjà le pouvoir arbitraire a produit des effets très fâcheux, qu'on favorise sous main une religion que les lois proscrivent, qu'on est tout prêt à l'introduire et à l'établir solennellement partout, que ceux qui travaillent à cela sont appuyés autant qu'il est possible, qu'on exalte cette religion et qu'on la propose comme la meilleure, qu'une longue suite d'actions démontre que toutes les délibérations du Conseil tendent là, qui est-ce alors qui peut s'empêcher d'être convaincu, en sa conscience, que la nation est exposée à de grands périls et qu'on doit penser tout de bon à sa sûreté et à son salut? En cette occasion, on est aussi bien fondé que le seraient des gens qui, se trouvant dans un vaisseau, croiraient que le capitaine a dessein de les mener à Alger, parce qu'il remarquerait qu'il en tiendrait toujours la route, quoique les vents contraires, le besoin que son vaisseau aurait d'être radoubé, le défaut d'homme et la disette de provisions le contraignissent souvent de changer de route pour quelque temps, et que dès que les vents, l'eau et les autres choses le lui permettraient, il reprendrait sa première route et ferait voile vers cette malheureuse terre où règne l'esclavage.